Bienvenue à cette conférence. Levez le bord. Ayant pour titre l'importance de la femme dans le retour du Christ. La semaine passée, tu nous as introduit un petit peu à ce que tu allais dire. C'est-à-dire qu'on allait parler de féminité autant que de femme. C'est-à-dire que ce n'était pas nécessairement une conférence réservée aux femmes, d'ailleurs. Là. J'espère que c'est le cas, parce qu'il y en a qui vont être déçus. Toi? Oui, moi, comment ça? Dans le titre, moi, il y a quelque chose qui m'accroche, là, qui m'accroche en lisant surtout. C'est que, non, pas une faute. Dans le retour du Christ, est-ce qu'il est parti? Oui. Maintenant, évidemment, c'est qu'on fait référence à ce que la Bible dit, de ce que la Bible parle. On parle du retour du Christ. Il faudrait définir c'est quoi le Christ. Le Christ, c'est premièrement, le mot Christ, à part de vouloir dire Messie ou Sauveur, c'est un terme alchimique qui existait déjà en Égypte, sous une autre étymologie, et qui signifie, justement, sauveur. Les alchimistes s'en servaient pour désigner une énergie salvatrice, une énergie qui descend à l'intérieur de l'humain, et qui aurait la capacité de transformer l'humain vil en humain précieux. Autrement dit, le plomb en or. Alors, l'énergie christique, c'est une énergie que les alchimistes ont essayé de trouver, qu'ils travaillaient. Avec le grand œuvre, avec par exemple le travail de la pierre philosophale. Une pierre philosophale, c'est une pierre qui avait la vertu non seulement de rendre immortelle, ce qui était déjà intéressant, mais de transformer tout ce qu'elle touchait en or, sauf l'or. Bon. Et puis, philosophale, philosophie, on revient encore à certaines choses. C'est évident que la mécanique alchimique était une mécanique évolutive, constructrice et ascensionnelle. Et eux parlaient d'énergie christique lorsqu'ils parlent d'énergie qui permet à l'humain de devenir de la lumière. Alors, les alchimistes disent que chaque être humain est une espèce d'étincelle d'un brasier central. Et l'énergie christique est de l'énergie qui permettrait à chacun des êtres humains, donc à chacune de ces étincelles-là, de retrouver le chemin vers le brasier central. Alors nécessairement, au niveau théologique, on parlera de Dieu, donc l'être humain est une parcelle de Dieu, puis son travail, c'est de revenir vers Dieu, vers le centre source. L'énergie christique, ça a aussi un synonyme québécois qui est énergie supramentale. C'est Sri Aurobindo le premier qui a parlé surtout de l'énergie supramentale. Ça a été, c'était diffusé un peu partout à travers le monde. Et c'est au Québec, présentement, qu'on en parle le plus. Et du Québec, c'est rediffusé un peu à travers le monde, par le biais de conférences enregistrées sur cassette, qui sont faites par moi ou qui sont faites par quelques autres rares conférenciers. L'énergie donc christique, l'énergie supramentale, c'est un synonyme. Quand on parle du retour du Christ, le Nazaréen lui-même, c'est un être humain qui, à un moment donné, a eu un contact avec de l'énergie christique. Et donc, on dira avec un Christ. Et ce sera aussi une énergie qui s'appellera à l'époque Esprit-Saint. Et le Jésus, donc, devient christifié. Il a donc un contact avec un esprit. Ce n'est pas son esprit. Il a un contact avec un esprit. Et le Nazaréen va finalement conclure plusieurs parties de sa vie en disant qu'un jour, l'homme, la femme fera la même chose que lui. Fera même de plus grandes choses que lui. Et que le Saint-Esprit, donc l'Esprit Saint, l'Esprit pur qui n'est pas coloré par l'ego de l'humain, l'énergie christique, l'énergie supramentale, va finir par toucher toutes les personnes qui seront génétiquement capables de la recevoir, parlera donc des élus. Donc le retour du Christ, c'est le retour de l'accès à l'énergie christique, plus que le retour d'un corps physique de quelqu'un qui s'appellerait comme ça? Bon, le Nazaréen, Josué ben Joseph christifié, le Nazaréen ne reviendra jamais. Pas assez fou pour venir. Une fois, puis... Ça a mal tourné. Ça a bien mal tourné. Alors, venir aujourd'hui, non, il ne reviendra pas. Par contre, lui-même a dit que, de toute façon, le retour du Christ, va se faire comme personne ne peut s'y en attendre. Et nécessairement, ça se fait insidieusement. Ça se fait progressivement. La descente de l'énergie supramentale à l'intérieur de la conscience humaine, c'est le retour du Christ. C'est le retour des Christ. Donc, c'est le retour de l'énergie christique, de l'énergie supramentale. Et c'est ce qui se fait depuis 1967, disons, d'une façon plus approfondie. Et en 69, il y a une petite recrudescence. Puis ça va augmenter. En 85, on a eu un bonbon au niveau de la descente christique, donc des phénomènes supramentaux. 90, aller jusqu'à l'an 2023, c'est la période la plus culminante de la descente de l'énergie supramentale. Et c'est les périodes, dans les périodes de 5 ans, que les individus devraient se servir au maximum, 90 jusqu'à 95, 96 à l'an 2000, etc. Parce que ces blocs-là vont permettre la christification de certaines personnes. Et la christification, c'est différent de la crucifixion, là, pour ceux qui chercheraient des... La christification, ça prend un laps de temps et à un moment donné, il y a des individus qui vont vivre des conditions expérientielles que personne n'a vécues sur la planète jusqu'à date. Et on pourra parler effectivement de sauvetage. Est-ce qu'on va parler aussi d'initiation? C'est la même chose. Sauf que l'initiation, l'humain évolue par initiation lunaire, c'est-à-dire que l'humain apprend par essai et erreur. L'humain étant un être, présentement, un être expérientiel. Expérientiel, c'est différent d'expérimental. L'humain n'est pas expérimental. Il est expérientiel, ça veut dire qu'il apprend avec l'expérience. Alors qu'un être supramental, un être christifié, lui sait, avant même d'avoir à vivre un événement. Donc, il n'a pas besoin d'apprendre, il n'a pas de connaissances, donc il n'a pas besoin de mémoire, parce qu'il sait ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Maintenant, nécessairement, pour arriver à un état christique, à un état fusionnel supramental, ben, l'individu doit avoir certaines caractéristiques ou certaines qualités. Des caractéristiques qui sont corporelles, un bon système endocrinien et un bon système neuronique. Et ça, c'est pas en se regardant le visage dans un miroir qu'on va savoir si on a une bonne... Si on a des bonnes qualités génétiques. Est-ce qu'on pourrait passer un examen médical, une radiographie, une prise de sang, ou quelque chose qui dirait qu'on a... Passe un examen initiatique. Oui. Ça serait pas plus facile si on pourrait avoir une prise de sang. Oui, ça serait plus facile. C'est plus facile, mais ça serait... C'est facile, mais c'est pas ça. Le mariage fait partie souvent de... Ou le mariage ou l'accotement, là, bon. Fait partie souvent de l'initiation. L'individu s'en sort comment? On peut vérifier le système endocrinien d'une personne en fonction de sa capacité à supporter sans trop être altéré psychologiquement, donc sa capacité de supporter le malheur. Ben, le mariage, pas nécessairement le malheur. Oui. J'ai dit nécessairement, pas nécessairement. Ça peut être... Bon. Mais vivre avec quelqu'un, c'est nécessairement se diriger vers le malheur. Ah, je ne suis pas d'accord. C'est parce que tu ne te connais pas suffisamment, puis c'est parce que tu ne connais pas suffisamment non plus les torts que tu causes autour de toi. Ça, on en parlera à un moment donné. Oui. Vivre à deux, c'est nécessairement se rapprocher du malheur. Actuellement, c'est ce qui se passe, c'est toujours ce qui s'est passé. Bon, c'est sûr que l'humain finit par avoir Est-ce qu'on finit par aimer le malheur? Ah, c'est humain. Mais la majorité des personnes, c'est leur problème. La majorité des personnes, les malades chroniques, c'est leur problème, ils aiment leur maladie. Quelle soit une maladie psychologique, une maladie physique, ils aiment leur maladie. Et il y a énormément de personnes qui sont contentes quand de temps en temps, ils ont une bonne engueulade, ils mettent du piquant dans la vie, quand il se passe de quoi, c'est de l'action qu'ils disent, eux autres. Ben oui, c'est ça, l'humain s'habitue à tout. Donc, nécessairement, on finit par s'habituer à la belle-mère que tu n'as jamais aimée, puis finalement, ben quand elle meurt, là, tu le regrettes. Tu l'aimais. Oui, mais c'est le malheur. T'aimes le malheur, mais tu te rapproches du malheur. Quand on vit à deux, ou à plus que deux, nécessairement on se rapproche du malheur actuellement. Ça a toujours été comme ça dans l'initiation lunaire. Quand on vit à deux, c'est évident qu'il faut qu'on comprenne l'idée. Une personne va dire que, comme toi, tu pourrais dire, par exemple, que c'est pas vrai. Je continuerai de dire que c'est pas vrai. Moi, vivre tout seul, je serais bien plus malheureux que vivre avec ma femme et mes enfants. Oui. Dans le climat depuis familial. Depuis que tu as connu cette maudite drogue qu'est le couple. Ben, c'est... Eh oui. C'est peut-être une drogue, mais c'est... Être seul, puis pas goûter... Moi, pour moi, c'est pas le malheur. L'inverse serait le malheur. Oui, comme tous ceux qui sont drogués, ils sont d'accord avec toi. Hein? Eux autres, là, prendre de la drogue, c'est vraiment pas le malheur. Mais pas en prendre, ça, c'est un maudit malheur. Sauf qu'ils étaient bien mieux avant. Puis ils seraient bien mieux après. Mais ils peuvent pas le savoir. Parce qu'ils en ont besoin. C'est sûr que si tu te ramasses, par exemple, un an de temps tout seul, tu vas t'ennuyer de ta femme. Il va falloir qu'on te sœuvre de ta femme. Il faut être dans un centre de désintoxication féminine. Et puis qu'on te tripote, qu'on te travaille pendant un grand laps de temps pour que finalement tu finisses par plus avoir besoin de ta femme. Et tu vas être libre. Tandis que présentement, tu es un être humain pogné, comme d'ailleurs tous ceux qui vivent à deux. Et c'est correct de vivre à deux. Ce que j'explique simplement, c'est que présentement, l'union dans l'air du poisson est une union qui mène nécessairement à l'initiation. Et l'initiation, ça vient du mot « ignition » qui veut dire le feu, donc qui mène nécessairement vers une conscientisation, vers une illumination. Une christification, et c'est nécessairement souffrant. Mais si on vit seul et qu'on passe quand même une période d'initiation, c'est pas nécessairement plus facile. Ben, c'est parce que tu vis en couple. Non, mais il y en a qui vivent seuls, j'en connais qui vivent seuls, qui sont pas mariés, puis qui passent des initiations comme ceux que je connais, qui sont mariés, qui en passent aussi. Parce qu'ils vivent en couple. Ben non, ils vivent seuls. Non, ils vivent en couple. En couple avec qui? Avec son ego? Non, en couple avec la personne qu'ils recherchent. Par son absence? Ben oui, nécessairement, ils souffrent sans arrêt. Il vit en couple aussi avec toute la collectivité. Lui, il n'est pas normal, il n'est pas de blonde, pas de chum. Il vit en couple. Fait que vivre en... Il va donc vers le malheur. Fait que vivre en couple, c'est vivre avec n'importe quoi. N'importe quoi. Une façon de parler, là. Oui, hein, il est pas heureux que ça parle, n'importe quoi. Ouais, c'est parce qu'il n'est pas n'importe quoi. Mais avec, à partir du moment où tu as un emploi, où tu as des associés, où tu as... C'est une forme de couple. Actuellement, c'est nécessairement se diriger vers le malheur. Être un enfant, ça implique d'avoir des parents, c'est nécessairement se diriger vers le malheur. Être parent, avoir des enfants, c'est nécessairement se diriger vers le malheur. C'est évident que l'humain va trouver que le malheur est plaisant. Bon, c'est correct. Comme ceux qui se droguent, comme ceux qui sont alcooliques. C'est très, très, très, très plaisant. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont mal pris, si tu manques de boisson et que tu es alcoolique, tu souffres apparemment bien plus que quand tu es chaud. Mais tout ça au complet est plus souffrant que quand tu n'as jamais bu ou quand tu es sevré. Sauf que tu t'en rends plus compte pour la différence de potentiel. Présentement, tu souffres, par exemple, avec ta femme. Tu es obligé de... Même chose de la femme avec l'homme. Tu es obligé de rentrer une certaine heure, tu es obligé de passer à l'autre, tu es obligé d'occuper l'autre, de t'occuper de l'autre. Tu es obligé de te limiter toi-même, tu es obligé de faire appel. Tu ne peux pas être toi. Et tu dis oui, mais en échange, l'autre ne te donnera jamais ce que tu aurais si tu serais libre. Jamais. Donc, en échange, ben, l'autre te donne la drogue, le besoin que tu as. Puis nécessairement, quand tu en manques, tu souffres. Tu souffres énormément. Bon, puis ce n'est pas le sujet de la conférence. Mais n'empêche que lorsqu'une personne vit en couple, elle se dirige vers le malheur actuellement. Je vais te donner une chose. Il n'y a rien de plus stupide et c'est comme ça. Tant que l'intelligence, tant que l'énergie supramentale, tant que la Terre ne sera pas christifiée, tu ne pourras pas rencontrer une planète Terre qui aura d'allure. Quelle que soit la planète, mais la Terre présentement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous regardons des oiseaux. Les oiseaux, ils volent, ce sont des cormorans. C'est intéressant, un cormoran. À un moment donné, les cormorans sont obligés de plonger de très haut, descendre dans l'eau puis ramasser des poissons. Sauf pas ça débile, toi, de naître poisson, hein, de nager poisson, de bouffer des petits planctons poissons, et à un moment donné, pouf, t'es plus le poisson. T'es rendu un cormoran. Okay? Tu sais même pas où tu voles. Tu choisis même pas où tu vas. Bon. Et là, le cormoran, à un moment donné, il s'en va quelque part, puis là, il y a un animal qui se passe par là, puis il saute dessus, bouffe le cormoran. Telle est notre planète. Qui fait que nous, finalement, à la fin de la chaîne, on est obligé de tuer des bœufs, de tuer des moutons, de tuer des poissons, de tuer des oiseaux, de tuer des poulets. On est continuellement obligé de tuer, donc de détruire, et ça, c'est totalement anti-féminité, anti-contre-principe féminin. On est totalement obligé de détruire sans arrêt, uniquement parce que le contexte planétaire le nécessite. Étant donné que les poissons ne sont pas suffisamment intelligents, hein? Un poisson, pas intelligent. Étant donné que les poissons ne sont pas suffisamment intelligents pour se dire, bon, ben là, écoute, on va arrêter de faire de petits. Le lac est plein. Mais ils continuent à faire des petits, eux autres. Fait que là, il faut qu'on dise aux cormorans, écoutez, la gang de caves, plongez en bas, il y a trop de poissons. Et parce que les cormorans ne sont pas capables, eux autres, non plus, de se dire, écoute, on va casser trois quatre œufs, là, parce qu'il y a trop de cormorans dans le ciel. Il faut qu'on envoie les renards bouffer les cormorans. Puis ça, c'est une chaîne qu'on appelle... quand on ne comprend pas trop, l'harmonie de la nature. L'harmonie de la nature. C'est comme je dis souvent, tu vois un aigle merveilleux se promener et que c'est beau. Tu vois un écureuil merveilleux courir et que c'est beau. Puis quand l'aigle fonce sur l'écureuil, ramasse l'écureuil, il arrache la tête puis le bouffe, tu veux tuer l'aigle. Ben, l'aigle n'a pas le choix. Il faut qu'il se nourrisse, le bel aigle. Puis l'écureuil, ben, l'écureuil, c'est sa proie. Ça, c'est la planète Terre. L'humain fonctionne de la même façon. Si l'intelligence serait là, ben, l'intelligence ferait que les êtres humains n'auraient pas trop d'enfants dans des régions où on ne peut pas trop en avoir. Les chevreuils n'auraient pas trop de bébés chevreuils, ce qui fait qu'on n'aura pas besoin de loups pour arrêter leur prolifération. Les loups n'auraient pas trop de louveteaux. Alors, on n'aurait pas besoin du manque de chevreuils pour les faire crever de faim, pour arrêter leur prolifération. On n'aurait pas besoin d'herbivores pour limiter, finalement, la prolifération des végétaux. Puis on n'aurait pas besoin de carnivores pour limiter les herbivores, parce que les herbivores, ils vont tout bouffer, puis finalement, il n'y aura plus rien comme végétal sur la planète. Puis c'est toute une chaîne intéressante dans un monde totalement absurde. Si on s'en va vers l'intelligence et la contraception comme ça, on va se lancer là-dedans. Pas la contraception, mais tu ne pourras pas... On ne pourrait jamais réussir à faire ça. Même avec les humains, je suis allé dans des pays orientaux il n'y a pas longtemps. Non, mais ils sont pas orientés. Ils sont vraiment pas orientés. C'est compliqué. Oui. Parce que t'as d'un côté les religions qui font que... ou les religions ou les traditions familiales. C'est pour nourrir les égrégores célestes. C'est quoi ça? C'est multipliez-vous. Puis vous manquez de bouffe. Croissez, multipliez-vous. Écoutez, c'est... Le poireau, je sers à quelque chose. Nous en de la bouffe. Nous autres, au Québec, on est en dénatalité. Dans les autres pays, c'est l'inverse. C'est, parce que l'humain est plus intelligent au Québec. C'est pour ça que l'humain est en dénatalité au Québec. L'humain commence à comprendre des petites choses inconsciemment. Mais si on s'en va en dénatalité au Québec... économiquement, il va se vendre moins de poussettes, il va avoir des écoles vides, il va avoir des maisons vides, il va avoir des rues qui ne seront pas entretenues parce qu'il n'y aura pas de monde pour payer pour, parce exact. Qu'on est déjà assez endetté, merci. Exact. Est-ce que c'est ça l'intelligence? Oui. C'est exactement comme des... Oui, tu parles comme ceux qui polluent avec, par exemple, des réacteurs, des centrales électriques qui fonctionnent au charbon. Allez, là, on arrête, tu sais, il n'y aura plus de ci, il n'y aura plus de ça, il n'y aura plus de... C'est un peu comme mes amis qui disaient, il jette ses papiers dehors, lui. Pourquoi? Ben, ça crée de l'emploi. Tu sais, si c'est arrête de jeter ses papiers dans la rue, là, il va créer du chômage. Fait que lui, il jette ses papiers dans la rue, il jette ses poubelles dans la rue, il jette tout dans la rue, lui. Ça crée de l'emploi. Il va dans un parc public, il mange une affaire, il jette ses papiers à terre. S'il y a une poubelle, là, ça crée de l'emploi. Ils sont obligés d'engager un gars à ramasser les papiers. Lui, là, il est correct, lui. Il sauve l'économie. C'est ça. On peut penser comme ça. Puis si on commence à être économique, on commence à faire du recyclage. On commence à plus salir toutes nos villes, bien, on va s'en aller en faillite. C'est pas vrai. Toutes les sociétés ont tellement eu peur de tout changer. À un moment donné, quand on a commencé à mettre les automobiles dans les rues, imaginez-vous, le maréchal Ferrin va faire quoi? Ferrin un char, ça se fait mal. Bon, puis ceux qui élèvent les chevaux, puis toute l'économie est chamboulée. On est plus riche qu'on n'a jamais été. Elle continue à chambouler. Ce qu'on doit comprendre simplement, c'est que présentement, la planète Terre est régie par de la mémoire. Étant régie par de la mémoire, elle est associée à l'initiation lunaire. Étant associée à l'initiation lunaire, elle fonctionne par essai et erreur. Donc, tout fonctionne par mécanique qui ne peut pas être mécanique mémorielle, mécanique passive. Tu as trois oisillons qui naissent, puis celui qui a le bec le plus long, c'est lui qui arrive à fouiller dans un trou d'écorce. Les deux autres meurent de faim. Puis après 800 000 ans, bien, tous ces oiseaux-là ont tout un bec long. Pourquoi? Pas parce que la nature leur a fait pousser le bec. Parce que tous ceux qui n'avaient pas le bec assez long sont morts. Fait qu'il reste rien que des oiseaux au bec long. Eux autres, ils sont, on va dire, mariés, hein? Ils ont copulé. Puis nécessairement, les mélanges génétiques font que les oiseaux qui ont le bec long finissent par être ceux qui vont rester. Puis tout s'est passé comme ça. Nous, on vient de races qui auraient pu vivre aussi. Mais parce qu'eux autres n'avaient pas les doigts assez longs. Parce qu'il n'y a pas les muscles assez forts. Parce que, etc. Sélection naturelle. On trouve ça génial. Tu lances une bombe d'une ville, ceux qui restent là, c'est la sélection naturelle. C'est la même chose. C'est correct. Quand l'intelligence descend dans le contexte planétaire, tout le règne commence à fonctionner en fonction de l'intelligence. Donc, on n'a plus besoin d'expériences souffrantes. On n'a plus besoin de tout ce genre de choses. Et nécessairement, l'humain se dirige progressivement vers un contact christificateur, vers un contact supramental fusionnel, où l'être humain finit par devenir immortel de toute façon. Au début, au niveau de sa conscience, physiquement, au niveau de son corps physique, lorsqu'il va se fusionner avec le double éthérique, de ce fait, l'être humain devient stérile. Il va commencer à être stérile progressivement, bien avant sa fusion, parce que tu es stérile. Tu n'as plus besoin de te reproduire. Tu ne te réincarneras pas comme ça s'est toujours fait dans l'histoire. Et nécessairement, ben, vu que c'est au Québec que l'intelligence est la plus présente, tu vas donc nécessairement te diriger vers un taux de dénatalité. Parce que la jeunesse dit, on veut vivre notre vie avant d'avoir des jeunes. Premier principe d'intelligence inconsciente. Parce que tu vis ton expérience avant, tu vas cellulariser ton expérience, c'est codifié dans ton code génétique et transmissible à tes enfants. Si tu as des enfants trop de bonheur, ben c'est l'expérience qu'il faudra que tu leur transmettes par l'éducation, alors que si tu as tes enfants un peu plus tard, ben ils vont déjà avoir un pas d'avance parce que ça va être chez eux déjà là. C'est un principe acquis, hein, qui est génétique. Alors, ils vont déjà être plusieurs pas d'avance sur l'enfant qui naîtrait de parents très jeunes. Une exception, évidemment. Déjà là, c'est intelligent. Le contact christique, qu'est-ce que c'est? C'est que l'être humain va progressivement se relier à l'intelligence instantanée. L'intelligence instantanée, c'est ce qui permet à l'humain de cesser de se faire bafouer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, on le sait. Tu ne demandes pas l'opinion à quelqu'un d'autre. Tu te fies toi-même. Tu deviens ton maître contrôleur. Être le seul maître à bord de son corps physique, c'est extrêmement important. Puis ça, c'est le contact avec l'intelligence, donc avec l'esprit, c'est-à-dire avec ce que vous savez tout. Tous les humains en ont. Mais les humains n'ont pas toutes la capacité de l'écouter. Je dis souvent que tout le monde ici sait qu'est-ce qu'il doit manger pour sa santé. Tout le monde le sait. Tout le monde sait à quelle heure il doit se coucher. Tout le monde sait quelle personne il doit rencontrer. Vous savez tout. Le problème, c'est que vous ne vous faites pas confiance. Vous avez besoin de confirmation. Souvent, les gens me font plus confiance à moi qu'aux autres. Ils me connaissent encore moins qu'aux autres. Moi, je ne trouve qu'un problème. En plus, les personnes sont charriées par un virus, qui est l'ego, qui fait tout pour conserver la mémoire traditionnelle. C'est 30 millions de personnalités réincarnatives qui veulent vous empêcher de réussir là où eux ont échoué. C'est-à-dire vos ancêtres qui se réincarnent chez vous ne veulent pas que vous réussissiez. Ils veulent que vous continuiez à essayer. Pas réussir, parce que ça va les frustrer toute la gang. Alors, on est un, relié à un peu d'esprit, à un peu d'intelligence, à se battre contre 30 millions de personnalités réincarnationnelles qui nous empêchent carrément de faire ce qu'on sait qu'on devrait faire. On sait toujours, on peut parler d'intuition, on sait. Oui? Tu utilises le mot intuition, c'est exactement là que j'arrivais aussi, par hasard. Non, c'est... L'intuition, ça a toujours été, on entend, l'intuition féminine. Puis là, j'ai connu beaucoup de femmes qui me paraissent beaucoup plus sages, puis beaucoup plus terre-à-terre, puis beaucoup plus réalistes et pratiques que beaucoup d'hommes que je connais, en m'incluant. Ouais. Nous autres, on a porté d'accord. À être flyés un peu, tu sais, à être pas... À voler, puis à projeter des choses, puis à fonctionner. On part avec une image, une idée, puis on part là-dessus. De temps en temps, mais souvent, s'il y a une personne féminine dans un groupe d'affaires ou dans un groupe de discussion qui serait sur un projet, par exemple, ils vont te remettre ça à terre et dire oui, là, ça c'est beau, là, mais il faut commencer par. Faut faire les on va dire qu'il agisse en mer. Oui. Il agisse en mer puis il agisse concrètement, pratiquement plus que beaucoup d'hommes que je connais. Bon. Puis, c'est cette forme d'intuition-là, on dirait qu'il les ramène tout le temps. Est-ce qu'il y a vraiment une intuition qui est féminine autrement féminine. Dit? Féminine. Qui féminine d'elle-même. Ah. Et puis, une intuition qui est masculine, qui est plus... Qui s'est féminine pas d'elle-même. Qui est plus flyée. qui est moins terre-à-terre, moins pratique. Bon, premièrement, ce qu'on veut comprendre, c'est que l'intelligence supramentale passe par des corps qui sont solides. Le corps de la femme est beaucoup plus solide que le corps de l'homme. Je ne parle pas au niveau musculaire, je parle au niveau endocrinien. La femme va vivre plus longtemps, puis la femme est capable d'endurer beaucoup plus de souffrances psycho-émotives que l'homme. L'homme va devenir alcoolique rapidement, l'homme va se suicider rapidement, l'homme va prendre des narcotiques rapidement. C'est sûr qu'on a des femmes qui vont prendre des Valium à plus finir, mais ça devient une mode, une tradition à un moment donné. Mais si on regarde historiquement parlant, la femme, premièrement, c'est elle qui va donner la vie, donc elle a suffisamment d'énergie vitale dans son corps pour être capable de supporter des vies. Et en plus, psychologiquement, ben même au niveau, aujourd'hui on peut voir, l'espérance de vie d'une femme est beaucoup supérieure, souvent de 10 à 15 ans, à celui de l'homme. Bon, donc la femme, physiquement, elle est plus solide que l'humain du point de vue endocrinien et du point de vue neuronique. Maintenant, ce qui va arriver aussi, c'est que la femme, étant capable d'exprimer la mémoire, ce n'est pas pur. Étant donné que la femme est capable d'exprimer, ça change évidemment, messieurs. Étant donné que la femme est, grosso modo, à l'échelle de la planète, beaucoup plus capable d'exprimer de l'amour, ce n'est jamais un amour détaché. Il n'y a pas un être humain présentement qui peut aimer d'un amour détaché, mais la femme, elle, dans ce qu'elle va exprimer, ça se rapproche de l'amour détaché. C'est-à-dire qu'elle va même être capable, plus souvent, de souffrir pour donner que l'homme. Maintenant, étant donné que la femme est capable de faire ça, la femme se rapproche donc de la féminité. Et je reviens encore sur l'expression, la définition de la féminité. La féminité, ce n'est pas l'apanage des femmes, sauf que la féminité s'est exprimée surtout chez la femme depuis quelques millions d'années, alors que chez l'homme, c'était la virilité qui s'exprimait, l'antiféminité. Alors que j'expliquais, une personne qui était féminée n'est pas une personne qui exprime de la féminité. C'est une personne qui n'exprime rien de la femme, rien de l'homme. C'est une personne qui exprime un contexte particulier de la gestion d'un corps physique. Donc, elle aura les poignets d'une façon particulière, elle aura des expressions particulières, puis elle se tiendra d'une façon particulière, puis quand on va parler, ça va être différent. Bon. Alors, la personne, elle est féminine. Mais c'est pas... Les femmes sont pas comme ça. Puis les hommes non plus. Vous savez, c'est différent. Tu comprends? J'ai compris. OK. Donc, c'est pas... Il y a une nuance là qui dérange pas puis qui fait rire... Mon fils s'en va coucher chez vous, sérieusement. Attends, le voit demain quand il va rentrer. Il va être bien correct. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la féminité, c'est une qualité qui est exprimée chez l'humain en fonction d'un contact particulier. L'intelligence instantanée va permettre à l'humain de gérer la féminité. Puis la féminité va s'exprimer chez l'humain. La féminité, c'est le premier, c'est le premier contact pur avec l'amour instantané. Qu'on appelle souvent le plan bouddhique, que moi j'appelle aussi ben, c'est le plan de l'amour, mais c'est de l'amour instantané. C'est-à-dire, c'est un amour qui n'est pas conditionnel, puis c'est un amour qui vient puis qui te fait faire des choses immédiatement, comme le contact supramental, ça descend et ça te fait dire des choses comme ça. C'est le moment où c'est utile, c'est pas prévu, c'est pas préparé, c'est pas un discours qui est mémorisé, c'est un discours qui est instantané, qui est improvisé. Et l'amour, la féminité dans l'ère nouvelle, c'est une mécanique donc d'amour instantané qui va venir et qui fait que l'humain n'a pas à préparer son discours, préparer sa gestuelle, préparer sa relation. Il n'a rien à préparer. S'il n'a rien à préparer, cela veut dire qu'il n'a rien à entretenir. Et là, la relation de couple ne sera plus dirigée vers le malheur, elle va totalement être dirigée vers un épanouissement global et total. Quand on parle tous les deux, on est en relation supramentale. Si on cesse de parler, est-ce que tu en souffres? Non. Bon. Si ça fait 2-3 semaines qu'on ne s'est pas vu, au niveau de la parole, du contact supramental, est-ce que tu en souffres? Non. Bon. Mais tu vas commencer à souffrir au niveau de l'affection. Mm-hmm. Bon. Avec ta femme, ce sera la même chose. L'amour instantané, la féminité, la féminité, c'est la première expression de l'amour instantané chez l'être humain. Le contact supramental, sa première expression, c'est le rejet. Contact supramental, la première expression d'un contact supramental, c'est le rejet des traditions. Normalement, rejet de la religion, rejet de la morale sociale, rejet de la majorité des choses traditionnelles qui ont été apprises. Qu'est-ce qui fait ça qu'on rejette? Qu'il faut rejeter pour apprendre d'autres choses ou pour apprendre quelque chose? La seule raison que si tu n'as pas rejeté au départ, étant donné que l'intelligence n'est pas encore suffisamment exprimée chez toi, si tu n'as pas rejeté l'interpréteur psychologique, l'ajusteur psychologique, qui est l'intellect, va tout ajuster le neuf pour qu'il préserve le vieux. Par exemple, on n'a pas rejeté l'idée d'Adam et Ève, comme quoi qu'on est tout pogné comme ça, parce que finalement, ben Ève va donner une pomme à Adam, puis on bouffe de la pomme tous les deux, puis on va bon, tu sais, puis Dieu est en beau maudit, puis Dieu, quand il est en maudit pour quelques milliards d'années, tu sais, c'est une colère divine. C'est bien de la mémoire. C'est bien de la mémoire. Et puis, Dieu, dans sa justice et sa sainte colère, a dit, vous êtes punis, puis toutes vos générations à suivre. Puis là, Adam n'était pas brillant, s'il aurait posé la question, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ma génération là-dedans? Et Dieu aurait dit, ben, c'est comme ça. Les voix de Dieu sont impénétrables. Va te coucher, ferme ta bouche. Va manger une pomme. Mange-moi pas, je vais manger des pommes. Il y aura des vers dedans, si ça peut déguiser. Tu sais, c'est qui dit, bon. Mais là, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, bon, l'intelligence instrumentale va arriver, puis là, tu vas avoir de nouveaux contacts, puis là, tu vas dire, ah, oh, c'était ça, Adam, c'est ça qu'Ève a fait, puis ah, oh, c'était ci, puis ah, oh, c'était ça. Bref, tu n'arriveras jamais à t'épanouir, non pas vers l'arrière, mais à virer de bord au complet pour t'épanouir vers une lumière qui est pure et non pas une lumière qui est réfléchie par la tradition planétaire, si tu n'as pas rejeté, tout ce qui va arriver, tu vas le colorer. C'est un peu comme... Parce qu'on l'ajuste en fonction de ce qu'on sait déjà. Oui, pour continuer à avoir raison. Bon. La personne, à un moment donné, qui commence à sentir que chaque fois qu'elle a un contact avec l'intelligence supramentale, ça bouge dans son corps physique, elle va dire « Crime, Dieu m'habite. » Tu sais, Dieu, il bouge jamais, Dieu, gars. Bon. Il y en a même en politique qui disait ça. Ouais, c'est ça. Il dit qu'il était à la main de Dieu. Mais regardez la face, en tout cas. C'est comme quoi Dieu... C'est vrai que ça s'hilarise, mais pas toujours en dedans. C'est ça, voilà. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est ça, c'est que l'humain qui n'a pas rejeté le phénomène traditionnel ne peut pas s'ouvrir à d'autres choses. Alors, c'est un peu comme, vous voulez, ben, immigrer. Allez-vous-en dans un autre pays. Puis si vous ne rejetez pas le Québec et le Canada, ben, vous allez vous rembourser dans un ghetto là-bas. Bon, par exemple, à Gringo-Tenango, ça c'est un endroit au Guatemala. ça s'appelle Panachel, mais les Guatémaltèques appellent ça Gringo Tenango. Tenango, ça veut dire en maya, le lieu où vit. J'imagine qu'ils n'ont pas de vidéo. Le lieu où vit le gringo, puis souvent c'est Québec Tenango, le lieu où vit le Québécois. Ils n'ont pas de vidéo, oui, rien de ça. Non. Ils ont de la bière. Ah, ben, ça va. Ce qu'on doit comprendre, c'est ça. Imaginez les personnes qui déménagent ici, qui restent dans le quartier chinois, dans le quartier italien, dans ceci, dans cela. C'est des gens malheureux. Puis les personnes vont dire, ben non, moi je suis bien dans mon petit quartier, c'est ça. Sauf que tu ne peux pas t'épanouir planétairement, tu pars d'un pays. Les touristes, c'est ce qu'ils font, la tourista, c'est uniquement ça. Moi j'ai voyagé avec un grand gars de 6 pieds 6, c'est 3 quarts. C'était important, le 3 quarts, il le disait tout le temps. On est allé au Guatemala, ils sont tout petits là-bas. Les autres, c'est 4 pieds, 6 pouces, 3 quarts. Là où j'étais aussi, c'était important, le 3 quarts. Puis le gars est grand. Puis t'es un gars solide. Il y a eu la tourista 2 semaines avant le départ, tout le long là-bas, puis il l'a eu encore 2 semaines après être revenu. C'est, c'est à cause de ce qu'on mange, c'est à cause de ce qu'on boit. Ouais, psychologiquement. L'individu qui voyage dans un autre pays puis qui ne veut pas s'adapter, donc qui ne relie pas son pays d'une façon mémorielle, il y a des fortes chances d'être malade puis de jamais être capable d'apprécier ce qu'il voit là. Tu veux comment il marche, tu veux comment il s'habille, tu veux ce qu'il mange, tu veux, pff, aux toilettes. Ouais, c'est une expression québécoise, ça le fait chier, tout ça. Que... C'est emmerdant. Bon. Alors, le contact instrumental, la première chose que ça fait, c'est que tu rejettes. C'est correct. Rejeter, normalement, c'est un peu comme si tu rejettes tes béquilles. Tu sais pas que tu peux marcher. Fait que tu t'accotes sur tout ce que tu peux rencontrer. Mais tu peux marcher, mais tu sais pas. Est-ce que la femme rejette plus que l'homme? Non. Par contre, ce qui va arriver, c'est que la femme, elle, aura la capacité d'avoir un contact plus facile avec l'amour instantané, avec le plan bouddhique. Et ça va faire quoi? Ça va faire que le contact va engendrer chez la femme l'adoucissement de la mémoire. La femme devient plus douce. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'épanouissement d'un corps mental de moins en moins polarisé chez la femme peut parvenir à être de moins en moins douce. La femme perd sa féminité. C'est évident qu'avec la tendance à la dépolarisation du corps mental chez l'homme, l'homme, lui, qui partait d'une mécanique très virile, a tendance à retrouver une féminité. Puis quand je dis que la femme a tendance à la perdre, la femme elle va se ramasser un peu plus basse que l'homme. C'est que la femme est très féminine, l'homme l'est pas du tout. La femme devient lentement masculine jusqu'à une forme d'équilibre, donc elle perd sa féminité. Lui perd sa virilité pour devenir un peu plus féminin. Les deux sont égales. À un moment donné, il faudra que tout le monde retourne vers la féminité. C'est extrêmement important. Étant donné que la femme a la capacité d'être légèrement plus douce d'une certaine façon, à travers, on parle génétiquement. Je ne parle pas nécessairement dans sa façon de communiquer. Pour lui donner la parole. Donc la femme, elle aura l'intuition pour voir quelque chose, mais elle n'aura pas la parole pour le communiquer. Donc si la femme veut le communiquer, plus souvent qu'autrement, l'homme, les autres femmes souvent aussi, mais surtout l'homme, il ne comprend absolument rien. Est-ce que c'est pas ça qui fait justement qu'il développe un contact plus grand? Parce que souvent, j'ai l'impression que si on a accès à une information ou on vient de comprendre quelque chose, les hommes en particulier, on est bien vantard, puis on va s'en parler tout de suite à tout le monde. Puis ce qui fait qu'on perd cette énergie-là que de ce qu'on vient d'apprendre ou de comprendre. Mais ça, c'est la matière. Parce qu'on en parle. C'est ça. J'ai fait un gros coup, j'ai fait un bon coup. Parce que la femme étant plus discrète ou ayant pas, comme tu dis, l'expression verbale de la même façon, il n'ira pas s'en vanter autant, puis elle va tous le cellulariser ou le conserver. Elle ne le cellularise pas nécessairement. Elle va le mémoriser. OK? Bon, mémoriser, ça veut dire que ça s'est contenu dans une mémoire psychologique et non pas dans une mémoire physique. Bon, peut-être un peu dans les hormones, la femme, elle peut grossir, elle peut vivre, différents phénomènes psychopathologiques qui sont des résultats simplement du fait qu'elle n'a pas été transparente avec son contact. Souvent, les femmes vont communiquer, puis les femmes, les hommes vont dire les femmes sont chioleuses. Bon, puis effectivement, plusieurs femmes qui, lorsqu'ils vont communiquer le contact intuitif d'une mécanique particulière, la façon dont elles vont le communiquer, c'est toujours sous forme de chiolage. Bon, ou c'est ce que l'homme va penser. Donc, je ne dis pas que la femme chiole toujours, mais c'est ce que l'homme va penser. Alors, quand on dit justement « ça joue à la mère », l'idée que l'enfant garde de sa mère, traditionnellement, vu que le bonhomme est toujours parti travailler, ben la femme, c'est elle qui s'occupe de l'enfant, fait que ça va être « je t'aime, t'es jolie, touche pas à ça, fais pas ça, t'es pas rentré, va te laver les mains », tu sais, finalement, ça devient la chioleuse. Bon, mais en réalité, elle chiole pas, mais vu que c'est elle qui est obligée de paramétrer, ben l'idée que l'homme, souvent, va conserver de la femme, c'est ça. D'où l'expression, justement, « tu joues à mère ». Bon, ou encore elle est maternelle. Maintenant, la féminité chez la femme, c'est évident qu'elle va avoir une tendance progressivement aujourd'hui, à cause du contact supramental, à être atténuée par la descente de l'intelligence. Puis l'intelligence chez la femme, ça va amener la femme à être beaucoup plus rationnelle, elle aussi, donc à être un peu plus comme l'homme. Elle va être capable de se lancer en affaires, d'échouer aussi. Mais au début, elle n'échoue pas trop. Les femmes réussissent bien plus en affaires que les hommes. Pourquoi? À cause de leur intuition. Sauf que il y a des mécaniques à un moment donné que la femme va mal appliquer à travers l'expression de sa féminité et elle va progressivement avoir tendance à se viriliser. Puis là, on voit des femmes souvent qui réellement expriment le fait qu'elles jouent à l'homme. Alors qu'en réalité, elles se perdent à travers l'idée. La féminité, c'est la première chose, donc c'est la première expression de l'amour instantané. La féminité, c'est ce qui nécessairement va s'exprimer sous forme de douceur. Et ça, l'homme et la femme ont un intérêt majeur à devenir féminin. La femme, elle a intérêt à le rester tout en continuant à développer un contact avec le plan supramental. Pourquoi? Parce que si la femme est trop féminine, sans contact supramental, elle va encore se faire charrier au bout par l'homme. Elle aura besoin d'affection, elle aura besoin de stabilité psychologique et émotive avec l'homme, elle aura besoin de richesse matérielle pour se sentir sécurisée, elle aura besoin de plusieurs choses comme ça. Si la femme est capable de développer un contact avec sa conscience, donc avec le plan supramental, de développer une rationalité suffisamment spontanée, donc instantanée, elle sera capable d'assumer sa féminité sans la perdre. C'est ce qui lui donne une plus grande autonomie, une plus grande indépendance, puis qu'on a vu dans les dernières années, ça s'est développé. Absolument. Quand statistiquement, on sait très bien que les foyers ont commencé à éclater quand la femme a commencé à aller travailler. Alors, nécessairement, c'est facile socialement de dire c'est l'instabilité puis l'éclatement des familles, c'est à cause de la femme. Ce qui arrivait, c'est que les foyers étaient déjà tout éclatés, mais ça ne paraissait pas. Puis quand la femme ne pouvait pas sortir, ça paraît ça. Oui, quand la femme a pu s'agir son temps, bien là, c'est elle qui maintient le foyer. Donc, la femme, elle n'a pas éclaté le foyer. Mais elle a cessé de cacher que le foyer était déjà éclaté. Ça n'allait pas déjà. Bon. Alors, il y a une grosse nuance là-dessus. La féminité, ça descend comme ceci. Premièrement, l'être humain doit nécessairement développer, en termes, pour l'homme doit nécessairement avoir un contact suffisamment marqué avec son intelligence. Ça veut dire que l'homme doit être capable de comprendre ce qui fait partie de l'esthétisme. Et l'esthétisme, c'est une facette de la féminité. Hein? Les femmes ont toujours voulu décorer beaucoup plus que les hommes. Il y a des exceptions. Mais les femmes parlent plus de confort, parlent plus de luxe, parlent plus de petites bébelles. Tu sais, une femme, ça va mettre une petite affaire là, puis ça va rajouter une petite fleur là-bas, puis ça va placer une affaire comme ça. Puis toi, quand tu te places autrement, bien là, ça fait une petite fuite. Et puis, ça semble moi, tu sais. Et puis là, à un moment donné, ben un petit cadre, un petit bibelot, tu sais. Puis même si ça dit, ah, oh, moi, les bibelots, j'aime pas ça, faut tout épousseter ça, tu sais. Vis 10 ans avec, tu vas voir qu'il va y avoir plein de bibelots, tu sais, à un moment donné. Bon, il y a des exceptions. Mais il y a une nuance, il y a une touche qu'on dit la touche féminine. Bon, la touche féminine, c'est pas la touche efféminée. L'homme doit développer la même chose. Le mâle, oui. C'est l'onde de forme, là, justement, la beauté dans l'aménagement, ces choses-là. Ouais. C'est plus important. Et ça, c'est une caractéristique féminine qui doit être préservée chez la femme et qui doit être exprimée chez l'homme. L'homme aussi, là. L'homme va être capable de reconnaître que c'est beau, mais l'homme ne sera pas capable d'engendrer le beau. C'est exception. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la femme va normalement, quand, bon, vous, messieurs, vous vivez en couple, c'est certain, même si c'est vous qui avez acheté la maison, qui l'avez payé au complet, probablement que c'est la femme à qui vous vivez qui l'a tout organisé au complet. T'sais? Puis quand vous achetez une affaire, souvent la femme va venir vous dire que c'est pas beau, puis c'était pas de goût, puis c'est pas ça, puis bon. Alors, normalement, la femme a tendance, elle, à prendre le dessus au niveau de l'esthétisme. Mais pas à cause de la femme, parce qu'elle exprime la féminité. L'homme, lui, s'autorise moins à exprimer cette féminité-là, et toujours des exceptions. Donc, première chose, c'est que l'homme a intérêt à développer son esthétisme, son goût. Son goût, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme doit cesser, doit arrêter, tant qu'il le peut, de se contenter des choses qui ne sont pas belles. C'est sûr que la personne a dit, « Ouais, mais moi, j'ai pas d'argent, je peux pas... » Mais la personne doit cesser de se contenter des choses qui ne sont pas belles. Ça veut dire que la personne doit commencer, l'homme, doit commencer à se payer le luxe Hein? C'est pas un luxe en réalité, c'est extrêmement énergétique. On a parlé du luxe à un moment donné parce que c'était des forces d'évolution qui s'organisaient pour que l'humain avance pas trop. Mais à un moment donné, messieurs, vous devez vous arranger, vous aussi, pour être esthétiquement à votre goût. Mais là, il y a le danger. La femme est souvent tombée dans ce piège-là. Celui de travailler pour être en compétition avec les autres. C'est pas ça. Était son goût. Ça veut dire à un moment donné qu'on va quelque part, on va s'acheter un t-shirt, tu sais, on va s'acheter un petit chandail. Là, on regarde des chandails, là, puis là, ah, ben, ça, c'est pas pire, ça me fait ça, bon, on va prendre ça. La femme, elle, magasine époque des femmes. Regardez, voir que ça va comme ça. J'étais bien pire que ça, j'y allais même pas les acheter. Ben, effectivement, tu sais, ben, c'est ça, fréquent aussi, ben, achète-moi ça. Tu connais mes goûts, achète-moi ça. Elle, elle va, elle l'achète en fonction de ses goûts. C'est pas le choix, qu'est-ce qu'elle fasse? Ben, c'est ce qui nous rend. C'est bon, par exemple, dans l'évolution du couple. Dans oh ce oui, sens-là. C'est bon, tu vas vers, mais c'est bon. Moi, je suis pas mal plus féminin qu'avant que je me marie. Avant que je me marie, tu m'aurais jamais vu parler avec appris, un chat, avec une plante. Parce que, oui, parce que tu as appris de ta femme la féminité. Ouais. N'est-ce pas féminin? Regarde-moi là comme il faut, là. Ah, ben, moi, je me trouve pas mal plus féminin qu'avant. En tout cas, c'est vrai, des choses comme ça. Quand j'ai commencé à habiter avec ma femme, je la voyais parler avec les plantes, puis je disais rien, là, tu sais, parce qu'on était nouveau mariés. Moi, les plantes, on déménageait, je poussais dessus avec les pieds, puis je fermais la porte du camion, parce que ça, si elle m'avait fait faire, elle m'aurait mis une tente pour un bout de temps. Parler avec les animaux, d'une vraie façon, naturelle, comme parler avec du monde. Moi, je dis un animal, voyons donc. Elle parlait plus grippé. Avec le chien. Quand les toasts brûlaient, oui, mais là, c'était plus masculin, la conversation. La conversation était plus masculine. Toi, tu parlais-tu? De temps en temps. Quand il n'y avait pas trop de plantes. Quand les toasts étaient brûlés, elle y parlait. Ouais. Mais c'est des choses que... Il me semble qu'archétypalement ou de façon traditionnelle pour les hommes, on n'est vraiment pas porté à parler à une plante. Puis aujourd'hui, je regarde ça, puis mais je suis rendu que je l'ai fait en attendant, je parle pas fort. Non, parce qu'il faut pas que tu t'entendes. Pas que les voisins m'entendent, que quand je me reconnaisse, c'est ça, ouais. Parce qu'ils se feraient peur. Ouais. Mais c'est ça, ça en est, si on se fait teindre de ça, on se... Oui, c'est par imprégnation. Cette féminité-là est importante. Et progressivement, donc, les messieurs, on a intérêt à développer l'esthétisme, à corriger les petites choses. Par exemple, vous allez quelque part, puis vous avez, vous prenez vos bottes l'hiver, puis du calcium après. Ben ça, les femmes, ils vont remarquer ça tout de suite. Les bonnes mêmes, eux autres, c'est des bottes, bon, tu sais, c'est plein de calcium dehors, puis... ils ont raison. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'en fait pas un stress, c'est pas que tu veux paraître mieux. C'est qu'à un moment donné, c'est exactement comme si, entretenant l'onde de forme du corps physique, on va laisser progressivement une énergie venir nous imprégner, puis progressivement, elle va elle aussi entretenir le corps physique. L'humain va donc se diriger progressivement vers la capacité, le mâle va se diriger vers la capacité de reconnaître l'esthétisme. Pas uniquement sur une peinture, là. Et comment ça coûte? 20 000 piastres. Hey, un bel homme, maudit. Oui. Puis des carrés tout croches faits par Picasso un soir qui est en maudit, tu sais. Bon. Et là, c'est 200 000, là, ça, là. C'est des petites nuances que l'humain doit développer, donc le mâle. La femme, elle doit continuer ça, mais la femme, elle doit souvent ajuster en fonction du fait d'éliminer la compétition, puis d'éliminer aussi le fait qu'elle se trouve pas belle devant les autres. Donc, à un moment donné, c'est qu'on ne va pas s'acheter une paire de souliers ou un chandail ou un veston ou n'importe quoi. Ça peut être un coupe-papier, ça peut être des petites choses comme ça, un crayon. On ne va pas s'acheter ça dans le but d'épater, on ne va pas s'acheter ça non plus dans le but de se faire aimer. La femme, par exemple, qui va se maquiller ou qui va s'habiller d'une façon particulière pour se faire aimer, elle a perdu la féminité pure. Elle fait encore le même travail, mais c'est pas pour la même raison. Non. Là, c'est pour vendre son corps, vendre son âme, c'est pour se vendre à quelqu'un d'autre, elle veut être aimée. Alors que normalement, on devrait faire ça pour s'ajuster. Quand tu mets un chandail, puis tu trouves qu'il tire un peu, c'est pas ça qu'il faut que tu mettes, tu l'autres. Tu mets un autre chandail que hier, le chandail n'allait pas, puis là, aujourd'hui, là, il va bien. Ah, c'est toi ça. Bon, ça, c'est la féminité réelle. La femme doit, comme l'homme, mais l'homme doit le développer, la femme doit ne pas le perdre, elle doit ajuster au niveau de la compétitivité. La deuxième chose que l'humain doit développer, donc on parlait d'esthétisme, c'est extrêmement important. L'esthétisme va normalement permettre la naissance de l'autre facteur qui est le plus important à présentement et qui s'appelle la douceur. L'homme doit devenir un être doux et la femme doit devenir une personne douce. Et là, je parle avec soi-même, je parle avec autrui, je parle avec le grille-pain, je parle avec le pain brûlé, je parle avec l'automobile, avec une porte, avec n'importe quoi. Vous sortez, vous claquez la porte, l'aspirateur, vous voulez le débrancher, puis on prend le fil, mais il s'en vient, oui, donc, t'sais. Tu mets le chaud dehors, tu ouvres la porte avec le pied, tu mets le chaud dehors. Ben. La féminité, c'est de la douceur. Jamais j'oserais faire ça. Non, c'est sûr que c'est un gros Doberman que toi. Avec le chaud dehors avec ton pied. En plante. Évidemment, oui. Fait que c'est quand même plus dur de pousser dehors. Ce que l'humain doit développer, mais c'est la douceur, c'est pas la mollesse. Plus la parce que tu as de l'intelligence. Prenons l'exemple du Mahatma Gandhi. Hmm? Gandhi, vous connaissez Gandhi? Il n'y a pas Gandhi. Bon. Et Gandhi à côté de chez nous. Ça. Alors, ce qui est arrivé avec le Mahatma Gandhi, c'est qu'il était relié, lui, au plan bouddhique. Mais aucun contact avec le plan supramental. Et ça, la majorité des martyrs étaient reliés au plan bouddhique. Aucun contact avec le plan supramental. Alors, lui, Gandhi, ce qu'il allait, il s'en allait quelque part, puis le monde lui disait, t'es bien laid. Puis il était tout heureux. Le monde y parlait, t'es heureux. Le monde crachait dans son visage. Tout heureux, tu sais, il faisait chaud, il était des aimes, puis là, le monde crachait dessus, c'est ce qui était tout heureux. Il est relié au plan bouddhique, lui. Fait que ça va quelque part, quelqu'un, il arrache son linge, s'en va avec ça, puis crime, je paye du karma, tu sais, je donnais des affaires. Il était tout heureux. Puis à un moment donné, ben là, ça se battait, fait que là, il disait, moi jeûné. Moi, le mettre sur le dos, mes souffrances. Les autres, ils sont pas reliés au plan bouddhique, ils vont souffrir comme des cochons. Fait que là, il jeûnait, puis jeûnait, puis jeûnait. Puis quand le monde allait le voir, puis il disait, écoute, il faudrait peut-être que tu manges un peu, là, ça fait 20, 22 jours que... Puis il répondait, non. Il ne peut pas répondre plus fort que ça, évidemment. Mais il ne souffrait pas, il était heureux, il était heureux, il était heureux, il était heureux. Il n'était pas malheureux, il était heureux. Relié au plan bouddhique. Puis quand quelqu'un est venu le tuer, ben il a fallu qu'il bénisse, qu'il était allé voir, puis il a dit au Mahatma, « Ben, veux-tu me bénir, s'il vous plaît? » Ah lui, il savait bien que l'autre était plus tué. Ben, il l'a béni. Mieux vaut être assassiné par un gars béni, hein, un gars pas béni. Fait qu'il l'a béni. L'autre, il l'a remercié, il s'est levé, puis il l'a tué. Il était relié au plan bouddhique. C'est toujours une question d'équilibre, évidemment. La personne qui devient douce, sans être régie par son intelligence, c'est une personne qui va avoir le cœur, pas sur la main, mais dans face. On va pouvoir ambitionner puis finir. Elle ne peut pas dire non, puis quand elle dit non, elle souffre, puis quand elle ne peut pas dire non, elle souffre aussi, puis finalement, c'est une bonne personne, puis etc. On doit développer, c'est ça que j'expliquais bien, on doit donc développer le plan mental en premier, se centrer au maximum dans son intelligence et commencer immédiatement à développer l'esthétisme, ça va être la facilité. Avant d'être doux, soyez beau pour vous-même. Tu sais, le monde qui dit « Ah, moi, je suis dur pour mon corps, moi! » Certain. Tu vois, Kéhou, quand ton corps va s'en aller... Ton corps va être dur pour toi, dans tout. Oui, c'est ça. Être doux. Vous mettez vos souliers, faites votre attention à vos pieds. Je pensais que tu allais dire à vos souliers. Ah, c'est pas pire, hein? Oui. Et puis, à ses pieds aussi, à ses souliers, etc., à ses lacets. Vous avez un nœud dans votre lacet. Les hommes, souvent. Là, on va arriver les femmes qui deviennent plus masculines. Vous avez un nœud dans votre lacet, tu sais. Puis, oh, c'est pas grave. Ça tombe à l'autre. Puis, c'est pas grave, chaque fois, tu sais. Pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, p'ting, le petit maudit nœud. Crème, tu mets une autre paire de lacets. C'est tellement niaiseux. Ah, oh, ben, p'ting, ça, on n'a jamais le temps. Bon. Je me rappelle au Guatemala, moi, il pleuvait dans une hutte. La femme a dit au bonhomme, écoute, il pleut, on va réparer le toit. Puis le gars, il disait, « Hey, il fait pas, il pleut, c'est dangereux pour monter sur le toit. » OK. À un moment donné, il pleuvait plus, la femme a dit, « Bon, il pleut plus, va réparer le toit. »« Pourquoi? Il pleut plus. » Le gars va réparer le toit. Puis il avait raison. Il pleuvait pas. Mais la femme, à un moment donné, elle a coupé quelque part. Puis le gars est allé réparer le toit. Le hamac double, là. Il servait à eux. Ouais. T'as réparé le toit, le bonhomme. Puis là, il a descendu en bas, puis c'est correct. Donc, l'esthétiste, personnel, puis après, tu te diriges vers la douceur. La douceur, c'est dans n'importe quoi. La douceur, ça fait référence un peu au tai chi. à la démarche flottante et du PMC. La douceur, ça veut dire que tout ce qui va se faire, tout ce qui va être exprimé, ta démarche devient douce. Si vous avez une démarche douce, quelqu'un qui vous voit aller, là, il va dire, « Ah, as-tu vu? » Il marche d'une façon aristocrate, aristocratique. Vous avez une parole douce. Ah, c'est une personne qui est plaisante. Mais les hommes machos, mâles, qui vont voir quelqu'un marcher doucement, ils vont pas trouver qu'il y a une démarche aristocratique. On se regarde qui se traîne les pieds, qui n'est pas vite. Non, mais se traîne les pieds, c'est plus pressé. Non, mais faut que ça bouge fort, faut que ça bouge vite pour être un vrai de vrai. Là. Pas vite, sec. Sec, oui, c'est vrai, c'est le bon mot. Oui, alors que tu peux être très doux et faire de la course. Je descends les escaliers, moi, ma fille me suit. Moi, je descends, on m'entend pas. Elle descend, hein, puis c'est une adolescente à l'époque. Bading, badang, bading, badang, puis les escaliers sont en ciment. Comment elle fait? Moi, j'ai essayé, moi. J'ai eu de la misère. Fait du bruit. Faut qu'elle se fasse mal au talon, faut qu'elle se fasse mal quelque part, certain, parce que je cling, bang, bing, bang, bang, bang, bang, bang, puis ça m'aidera en ciment. Puis quand on remonte, même chose. Moi, je monte, c'est soupe, soupe, soupe, soupe, soupe, puis elle, la monte, puis, tu sais, il y a le chat, il monte, le chien qui suit, tu sais. Il y a... La douceur, ça s'exprime partout, puis ton gars macho qui te regarde aller, puis qui trouve que t'as l'air de... C'est pas avec ce monde-là qu'on veut vivre. Non, ça, je suis bien d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que dans la féminité, ça aussi, la douceur, c'est une forme de féminité, d'expression, de mouvement, de façon dont on va se tenir, de la façon dont on va marcher, de la façon dont on va parler, avec moins d'agressivité ou moins de... Tantôt, dans ton exemple, que tu tires le fil pour débrancher le grille-pain, comme on dit, de misère à dire des mots français, le toaster, quand t'arraches le fil de la prise pour le toaster. T'arraches le fil de la plug. C'est ça, on arrache le fil, tu sais, on tire. Alors que si on tire plus doucement, ben c'est plus écologique aussi. Ça va durer plus longtemps. Vous allez être beaucoup moins stressé à moyen terme, et sinon à court terme. Vos appareils vont durer plus longtemps. Et puis ça va coûter moins cher de prise, de fiche. Mais il va arriver un paquet d'autres choses aussi. Progressivement, quand les gens pratiquent le yoga, ils tiennent sur un pied, par exemple, la position de la cigogne, ils tiennent sur un pied. Mais normalement, ils tiennent sur un pied côté Saint-Meu. Ils commencent. À un moment donné, ils peuvent se tenir à 5 pieds. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée que progressivement, psychologiquement, on devient équilibré. On n'est plus facilement mauvaise humeur, puis facilement de bonne humeur, puis après ça, on n'a pas peur, puis on s'en va d'un bord, puis de l'autre. On devient centré, on devient équilibré. Ah, c'est pas après 3-4 fois que vous êtes tenu sur un pied que vous devenez équilibré. Ça prend un bout de temps. C'est ce que ça donne. Il y a une mécanique, il y a un mimétisme psychologique qui se fait par la fonction du corps physique. Si tu agis ton corps physique d'une certaine façon, progressivement, tu vas engendrer une correspondance au niveau psychologique. La personne qui marche doucement, qui agit doucement, puis quand je parle doucement, c'est qui sent son corps quand le corps bouge. La personne qui fait attention finalement aux choses, la personne qui exprime de la douceur, progressivement, elle devient douce pour elle-même, elle devient douce en elle-même, elle devient douce tout court. Et la douceur va faire en sorte que le corps physique commence à vivre plus doucement. Donc, on va apprécier plus facilement la vie. On va apprécier des choses d'une façon totalement nouvelle. On va être sevré justement d'une problématique d'initiation lunaire. Et progressivement, on va être capable d'exprimer une transparence en face de nous-mêmes. On va être capable d'exprimer un amour spontané, un amour qui n'est pas préparé, et on va être de plus en plus capable de recevoir l'énergie supramentale sans risquer la problématique des maladies supramentales. La majorité des personnes qui sont en contact supramental, la majorité, je dis bien, quand ils commencent à développer un contact suffisamment puissant, puis là, dites-vous pas, ah bon, ben, Grim, maintenant que je sais ça, là, moi, je ne développerai pas de contact supramental, ça vient vous ramasser par les culottes, c'est pas vous qui décidez. Et puis, ce qui arrive, la majorité des personnes, c'est qu'ils vont finir progressivement par perdre leur santé. Ça prend un peu plus de temps, mais ça, ils perdent leur santé. Normalement, avant, ils perdent leur ami, perdent leur argent, perdent leur emploi, perdent un paquet de choses qu'ils avaient. Évidemment, ils perdent leur béquille, ce qui fait qu'ils se ramassent dans des particularités relativement instables de l'évolution. Et il y a des façons très faciles d'arriver à éliminer cette descente aux enfers temporaires-là que la majorité des personnes qui se sont conscientisées jusqu'à l'heure actuelle ont vécu. L'expression de la douceur, c'est une expression, c'est comme si, au lieu de travailler sur le plan supramental, ça descend, tu parles avec une énergie qui brise des formes, mais à un moment donné, tu vas aussi l'individu ne pourra pas nécessairement le faire psychologiquement au départ. Essayez d'être doux quand vous êtes en beau maudit. Fais ça sent. Psychologiquement, on ne peut pas. Maintenant, tu peux plus facilement contrôler ton corps physique. Tu peux voir que tu es en beau maudit, par exemple, en même temps. Là, c'est-à-dire que, comme observer l'événement ou observer qu'il se passe quelque chose. Tu es en maudit, puis tu es en maudit, ou tu observes que tu es en maudit. Ouais, mais c'est difficile de dire. Arrêtez, là, puis tomber. Mon maudit, toi, je vais te frapper si tu continues. C'est ça. Tu ne pourras pas. Non. Bon. Effectivement. L'humain, ce que l'humain doit faire, donc, c'est que s'il peut commencer à contrôler son corps physique, premièrement au niveau de son onde de forme, ce qui est extrêmement important au niveau de ce qu'il va réincarner, au niveau de ce qu'il va exprimer, puis au niveau de ce qu'il va devenir. L'esthétisme, donc, première expression de la féminité actuellement, c'est extraordinairement important dans le phénomène du retour du Christ, donc de la descente d'énergie supramentale, du savoir instantané, d'intelligence active, et la personne, une fois qu'elle travaille un peu l'esthétisme, lentement elle se dirige vers l'expression de la douceur, qui est une féminité qui est un des premiers plans exprimés chez l'être humain de l'amour instantané, qui n'est pas conditionnel, donc qui ne dépend pas. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, ben moi je t'aime plus à cause que, ou je t'aime seulement si, etc. Il n'y a plus rien. Et tu ne pourras pas non plus, quand tu es relié à cette féminité-là, tu ne pourras pas aimer uniquement si tu connais. Fémininement parlant, on prend une femme, et puis elle rentre dans une pouponnière, puis c'est plein de bébés. Puis, elle a la qualité, habituellement, d'aimer tous les bébés également. C'est de l'amour instantané. C'est-à-dire que c'est pas conditionnel. Ah oui, mais il connaît pas celui-là, là. Puis lui, il dit son nom. Ah, c'est un nom de même, je veux pas ça. Puis, c'est le mâle, le bonhomme qui regarde les bébés, là, il trouve tout là habituellement. Il y a des exceptions, puis en plus, il y a une mutation chez la conscience. Une exception dans les bébés ou dans les mâles? Dans les mâles. Puis là, s'il voit son bébé, il va être capable peut-être de l'aimer, mais pas nécessairement de la gang. Je suis sûr que c'est bien le bon nom. Regarde. Ouais, okay. C'est vrai qu'il est beau. Même ton petit à toi, peut-être, t'es féminin, toi. Ton petit à toi, à un moment donné, là, il est dans la pouponnière, puis là, il est en train de tomber. Ben non, il est tout mouillé, tu sais. Puis ça peut être travailler, puis le changer. Le petit du voisin qui est tout mouillé, là. Ben là, au coup de main, tu sais. Il va avoir du monde s'en occuper. Puis... Mais si t'as une femme là-dedans, à un moment donné, là, elle va finir par souffrir assez qu'elle va aller changer ses couches à l'autre aussi. Mais c'est ça, est-ce qu'elle fait par souffrance? Est-ce qu'elle oui, fait par manipulation? Parce qu'elle exprime, dans le contexte actuel planétaire, une féminité. Ça reste mémoriel. OK? C'est pourquoi la personne, la femme, par exemple, peut se lancer en compétition au niveau de son onde de forme. De la façon dont elle s'habille ou de la façon dont elle se maquille. Elle peut se lancer. Bon, il y a plusieurs choses qui vont arriver. Et ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est que dans l'évolution que tu décris là, c'est qu'elle. Il faut qu'elle change de couche pareil, mais pas parce qu'elle souffre, parce bon, que c'est intelligent. Je veux dire une chose là, qui ne sera probablement pas compris. Mais comprenez. Ça va à peine. Alors, je te l'ai pas, celle-là. Ah, même là. C'est que, et j'ai déjà expliqué que chaque fois que j'ai fait des conférences en parlant de la femme, les femmes, ils partaient toutes frustrées parce qu'ils pensaient que j'avais parlé et la femme était basse, etc. Puis c'est jamais ça. Surtout qu'actuellement, la femme et l'homme ont de plus en plus tendance à être androgynes du point de vue de la conscience. Donc, il n'y a pas de supérieur ou inférieur. Mais l'homme, grosso modo, est beaucoup plus relié à l'intelligence que la femme. C'est beaucoup plus facile de rencontrer des hommes qui sont reliés à l'intelligence que des femmes. Puis dans le passé, ça a toujours été comme ça. Pourquoi c'est Bouddha? Pourquoi c'est Jésus? Pourquoi c'est Mahomet? Pourquoi c'est Odin? Pourquoi c'est Rama? Pourquoi c'est des hommes? Par contre, la femme, elle est beaucoup plus reliée à l'amour instantané. Donc, la femme, il y a beaucoup plus d'amour dans la femme, puis il y a beaucoup plus d'intelligence dans l'homme. Mais là, ça ne veut pas dire que la femme est stupide. La femme est intellectuante comme le mâle. Elle fonctionne avec son intellect, elle fonctionne avec sa mémoire. La femme est capable de logifération, de construction de mécanique logique. La femme est capable d'intelligenciation progressivement. Il y a beaucoup plus d'intelligence dans l'homme, puis il y a beaucoup plus d'amour dans la femme. Mais encore une fois, à cause des sociétés macho, la femme, elle va dire, ben oui, on a plus d'intelligence dans l'homme. L'amour, là, c'est pas inférieur à l'intelligence. Mais dans une société macho, on privilégiera les caractéristiques de l'homme, puis on va dire justement que l'intelligence est mauditement plus important que l'amour. Mais l'intelligence, ça crée des armes nucléaires, ça crée des missiles cruise. Puis ça cruise, c'est qu'il y a plein de missiles après, c'est pas long, ça serait pas partout sur la planète. Ça crée plein de l'intelligence. L'amour, ça va créer d'autres choses. Et la majorité des guérisons, la science fonctionne avec une forme d'intelligence. On fait des guérisons. L'amour est capable de guérir mauditement plus rapidement que l'intelligence. Sauf que l'amour n'est pas capable de gestion. La femme ou l'homme qui exprime uniquement de l'amour, Gandhi n'est pas capable de gestion. Bon, la femme qui exprime uniquement de l'amour, elle va être capable de se restructurer, va être capable de créer un monde. L'homme, lui, va être capable de gérer le monde. Sauf que si tu élimines l'amour, l'intelligence, on l'a déjà vu, l'intelligence sans atténuation part d'une mécanique d'amour. Un amour mémoriel, l'amour humain, ou un amour non émotif, l'amour instantané, l'intelligence devient dangereuse. Il y a plus d'intelligence dans l'homme, il y a plus d'amour dans la femme. Il faut bien comprendre que parce qu'on est dans une société souvent caractéristique macho, on pense que l'apanage de l'homme est supérieur à l'autre. Donc, s'il y a plus d'intelligence dans l'homme, c'est ça que la femme voudra avoir. Bon, c'est totalement faux. Ah, parce que c'est pas nécessairement intelligent d'avoir de l'intelligence seulement. Ce n'est pas intelligent, en tout cas, c'est vraiment pas pratique ou utile. C'est très souffrant souvent d'avoir de l'intelligence sans avoir d'amour. Alors que c'est beaucoup plus facile de vivre heureux avec de l'amour sans intelligence. Sauf que tu ne peux pas créer un monde qui va être de plus en plus intéressant uniquement avec de l'amour. Et tu ne pourras pas créer un monde intéressant uniquement avec de l'intelligence. Quand tu dis aujourd'hui, on a toute la technologie qu'il faut pour éliminer la majorité des problèmes sur la planète, qu'est-ce qui manque? Ben, il manque la féminité. Il manque dans l'intelligence, il manque dans le bastion de la virilité, il manque une connotation totalement féminine, qui n'est pas femelle, qui est féminine, qui est celle de l'amour, l'amour instantané. L'être humain, bon, on parle du retour christique, l'intelligence christique, l'intelligence supramentale, si elle descend dans des corps physiques où il n'y a pas de contact avec l'amour instantané, ben nécessairement les individus vont nécessairement souffrir, vont être pris à un moment donné de désarroi. Ils auront une grande difficulté à être leur maître contrôleur. Ils vont vivre du snobisme de l'évolution. Ils vont penser qu'ils ont réussi, puis ils vont regarder les autres de haut. Ils peuvent devenir des MTS, des martyrs de la transition supramentale. Ils vont attraper le sida, ça veut dire qu'ils vont synthétiser les sinistres individus dominés par l'astral. Et progressivement, les personnes ne pourront pas vivre convenablement une fusion. Ça va être une initiation lunaire très, très basse, avec une forme d'apocalypse personnelle. Et puis, à un moment donné, les personnes arrivent à s'en sortir. Si la personne est capable d'exprimer, et ça, on peut le faire, parce qu'on a suffisamment d'intelligence pour comprendre l'intelligence d'avoir de l'amour. Et quand on parle d'amour, je ne parle pas de l'amour émotif. L'amour n'est pas une émotion. L'émotion, c'est un facteur très destructeur et très évolutif chez l'humain, l'émotion. L'amour s'exprime par un sentiment. Bon, l'amour, c'est un phénomène qui est instantané, qui n'est pas mémoriel. Fait que tu ne peux pas, bon, quand tu vois 20 000 fois le lever de soleil, tu le trouves toujours beau. Tandis que si c'est un amour qui est humain, qui est conditionnel, tu le compares à tous les couchers de soleil que tu as eu avant, puis lui, il ne te tente pas, puis lui, il ne t'intéresse pas, puis lui, meilleur que l'autre, puis c'est pas qu'elle a fait de même. Bon. L'amour, c'est un sentiment, comme d'ailleurs l'intelligence, c'est un sentiment. C'est des choses qui ne peuvent pas se mémoriser. C'est des choses qui te nourrissent si tu es transparent, puis c'est des choses qui te détruisent si tu ne l'es pas. L'amour va vous permettre d'être beaucoup plus transparent facilement parce que le grand handicap de l'humain qui est en ascension, c'est qu'il ne s'aime pas. Il ne s'aime pas. Et je n'ai rencontré actuellement personne qui s'aimait. J'ai vérifié des enfants, des petits-enfants, ils ne s'aiment pas. Mais plus ils sont intelligents, moins ils s'aiment. Quand tu parlais de douceur tantôt, d'être doux avec soi-même, c'est la transparence. Ça peut faire partie de ça. C'est-à-dire que si on est transparent avec ou si on s'aime, si on devient transparent avec soi-même, est-ce qu'on devient plus doux? Non, si tu deviens plus doux, tu vas devenir plus transparent. C'est l'inverse? Oui. Mais nécessairement, ça devient un servicieux. Si tu deviens plus doux, tu vas devenir plus transparent. C'est extrêmement important parce que sans ça, les personnes vont se détruire. Chaque fois qu'on a un contact, chaque fois que vous avez quelque chose qui passe par vous, une forme, une énergie, si on ne peut pas l'exprimer, elle nous détruit. Bon, vous voulez offrir une fleur à quelqu'un, vous êtes trop gêné, ben ça vous détruit. Ça va finir par vous rendre cardiaque, ça y a rien à faire, ça vous détruit. C'est à long terme, les corps physiques sont solides. Tu veux dire à quelqu'un que tu veux l'envoyer carrément promener, tu n'es pas capable, ben ça te détruit. Quand une énergie passe, qu'elle soit astrale, qu'elle soit mentale, qu'elle soit supramentale, qu'elle soit bouddhique, si elle passe, ça va. Si elle ne passe pas, elle te détruit. Quand on parle en psychologie des émotions refoulées, ben c'est ce que ça veut dire. Ça passe ou ça te répare, ou l'autre. Mais des fois, selon la grandeur de celui que tu vas envoyer promener, ça détruit plus vite si tu lui dis. Bon, mais c'est parce que tu es un vrai monsieur, tu vas aller engueuler les bonnes personnes. Trop gros. Puis, il a toujours été engueulé des personnes assises. On doit jamais aller donner de la merde à une personne assise. De la même grandeur. Parce qu'une fois qu'elle se lève debout, c'est là que tu peux voir sa grandeur. Tant qu'elle est assise, tu le sais pas. ça peut abîmer le corps physique, ça aussi, en tout cas. Ouais. Mais tu t'apprends à t'ajuster, ça t'apprend à t'ajuster, tu sais. Mais plus ils sont gras, plus ils tombent de haut. Et plus ils sont gros, plus il y a de la place à faire frapper. Ouais. Finalement, tu sais, le petit est avantagé. Ouais. C'est dans le point de vue. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est ça. Quand je faisais du judo, c'est ce qu'on disait. Et plus ils sont gras, plus ils tombent de haut. C'est vrai. Tombe de haut. Ça, c'est du positivisme. Ah, ben à l'époque, c'était de la réalité. Ouais. Mais on s'attaquait à des grands fluettes. Dans le genre, tu passes deux fois devant le soleil faire de l'ombre. Tu sais, les minces, minces. Bon. Alors, ce qui arrive donc, c'est que la féminité, c'est question de douceur. La douceur, c'est une chose qui s'exprime. Dans l'Antiquité, qu'est-ce qu'on dit? On dit, parce que dans l'Antiquité, les êtres du passé savaient eux aussi tout ce que vous savez. Mais eux, ils l'exprimaient à travers le temps, puis ils en faisaient des traditions, ils en faisaient des enseignements, ils en faisaient des écoles traditionnelles, des écoles ésotériques, ils en faisaient des enseignements. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que l'humain doit apprendre à respecter. Et les bouddhistes vont dire, il faut respecter le chat, il faut respecter le soleil, il faut respecter la matière, il faut remercier le grille-pain parce qu'il a grillé tes toasts. C'est aussi. Oui, mais ça c'est spirituel. On n'a pas à remercier ou à respecter comme ça. Si tu exprimes la douceur, nécessairement c'est ce qui va sembler que tu fais. Fais attention. Et ça revient donc, là tu vas rejoindre, mais la différence avec les anciens qui le faisaient sans comprendre, c'est que toi tu sais exactement ce que tu fais, pourquoi tu le fais. C'est pas un rituel, c'est pas une question de spiritualité. Quand Nazaréen a dit à un moment donné, je viens pas changer la loi, je viens parfaire la loi, mais on continue encore à faire ça aujourd'hui. On changera pas tout ce qui s'est passé dans le passé. Non, on va l'intelligencer, on le parfaire. Répéter sert à rien. Le faire, ça sert à quelque chose. Répéter oralement, ça sert à rien.